Au sport, le 13 décembre, dans la Ligue Simple Lettre Harford-Saint-François. L'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François visite Jets Frontière à l'Arena Pat Burns de Stansted à 10h30. L'équipe novice B d'Aquaticook pour affronter Frontalier 1 à 12h15. L'équipe Atome A se mesure à Jets Frontière à Stansted à 11h45. L'équipe Atome B, elle, est à domicile pour recevoir les Cantonniers 2 de Magog à 15h. L'équipe Pee-Wee B est également à la maison et affronte aussi une équipe de Magog à 16h15. L'équipe Midget A est l'hôte de Club Piscine Sherbrooke 1 Mégantic à 19h. L'équipe Midget B reçoit Club Piscine Sherbrooke à 17h30. Le 14 décembre, dans la même ligue de hockey mineur, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François visite Métro Plouffe Sherbrooke au Centre Julien Ducharme de Florimont à 10h30. L'équipe novice B reçoit Blazer Frontière à Istinguis à 13h30. L'équipe Atome B est à Quaticook à 16h30 pour affronter Frontalier Quaticook. L'équipe Pee-Wee A est au Centre Philippe Bergeron pour rencontrer Hockey Expert Sherbrooke 1 à 13h45. L'équipe Bantam A est à Fleurimont à 15h30 et affronte Club Piscine Sherbrooke 1.